Dualité de Paul Bourget à Henri Boer. 1. Sur le point de raconter une anecdote qu'une nouvelle rencontre avec la femme qui en fut l'héroïne vient de me rendre présente jusqu'à l'obsession, j'éprouve un assez bizarre scrupule intellectuel que je veux dire. N'est-il pas commun, d'ailleurs, à tous les artistes littéraires qui travaillent d'après nature, lorsque l'expérience les a initiés à quelque étonnante anomalie d'âme, et qu'ils sont tentés de la reproduire, ils ne peuvent douter de la réalité qu'ils ont vue, de leurs yeux vus, comme dit l'autre. En revanche, ils doutent de leur puissance à faire accepter comme vraies des complexités du cœur très contraires au type moyen de nature humaine que chacun de nous porte en soi. Est-il même besoin d'être écrivain pour subir cette sorte de déconcertement devant les inattendus de la vie et de la sensibilité ? Combien de fois les personnes les plus irréfléchies ne prononcent-elles point, à l'occasion d'un incident pas trop excentrique, cette phrase de naïve surprise « On lirait cela dans un livre qu'on ne le croirait pas ». Comment ne pas hésiter, quand on se prépare précisément à mettre dans un livre quelque histoire à propos de laquelle on a soi-même été tenté de proférer cette banale exclamation ? Il me semble qu'il y a pour l'artiste deux moyens de résoudre cette difficulté que le célèbre vers classique formulait déjà, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Le premier de ces deux moyens est celui des maîtres. Il consiste à pousser l'intensité du rendu dans le récit à un degré de relief qui impose la croyance. C'est ainsi que Balzac, dans « Splendeurs et misères des courtisanes », nous contraint, par la seule énergie de la peinture, d'accepter comme réelle la plus extraordinaire aventure qu'ait jamais contée un romancier. Nous ne doutons ni d'Esther, ni de Vautrin, ni de Peyrade. Pourtant, quel récit des mille et une nuits est plus chimérique ? Tout près de nous, Maupassant a procédé de même dans certaines nouvelles d'une si audacieuse et presque inadmissible psychologie, l'inutile beauté, le Horla, les sœurs Rondoli. Ce moyen est le plus sûr, mais il y faut un génie de narrateur hors de pair. Un second, très modeste, et comme tel à la portée de l'analyste simplement consciencieux, consiste à comprendre que les plus extraordinaires événements ont leur logique, et de même les plus apparentes bizarreries de sensibilité, leurs normes secrètes. Avant de rapporter une aventure très exceptionnelle, l'analyste s'appliquera donc à dégager cette logique, et s'il veut peindre une singularité du cœur, il s'efforcera de démêler la loi générale dont cette anomalie n'est qu'une conséquence. Qu'il me soit permis d'employer ici cette humble méthode, quitte à diminuer l'effet de surprise que pourrait produire par son étrangeté le récit auquel ces quelques lignes servent de préface. Je ne me dissimule point que c'est un cas de dualité sentimentale évidemment exceptionnelle jusqu'à l'invraisemblance. Il paraîtra pourtant moins spécial, et sinon inexplicable, presque naturel, en admettant cette hypothèse que le grand principe du balancement des organes domine la vie psychologique comme il domine la vie physiologique. Il y aurait ainsi, dans les distributions de notre énergie émotionnelle, un constant rétablissement d'équilibre. Inemployée sur un point, cette énergie se reporterait plus intense et plus active sur un autre. Une créature instinctivement fine, par exemple, que le hasard et ses propres fautes ont jetée dans une destinée qui brutalise cet instinct, trouvera en elle, quand les circonstances lui en donneront l'occasion, des réserves de délicatesse d'autant plus abondantes et plus profondes. N'est-ce pas l'interprétation quotidiennement donnée aux colères excessives où s'emportent certains êtres faibles, aux crises de sensualité que traversent les jeunes gens trop contenus ? Et n'est-ce pas aussi une loi semblable que les anciens incarnaient dans le mythe de Némésis, cette distributrice du sort égal, cette déesse des moyennes, symbole d'une mathématique morale aussi absolue que l'autre ? Mystérieuse figure, effrayante pour les heureux, consolante pour les malheureux, des inévitables compensations. 2. J'écrivais tout à l'heure le nom de Guy de Maupassant. Un entretien avec ce compagnon de ma jeunesse, aujourd'hui disparu, comme cette jeunesse elle-même, fut justement la cause indirecte de l'épisode qui m'a suggéré ces réflexions. Le patron du bel ami m'avait dit jadis, au retour d'une de ses croisières au cours desquelles il luttait contre le fantôme de sa propre folie, visible alors pour lui seul, « Quand vous chercherez un coin tranquille où travailler, allez donc à Rapallo, sur la rivière de Gênes. C'est exquis, vous verrez, et comme on y est bien pour écrire !» Pourquoi ce nom de Rapallo, si peu connu des touristes, me revint-il un jour de l'hiver dernier que, pressé de besogne et m'étant laissé acculer par le temps, je cherchais un asile de copie. Toujours est-il que le souvenir de cette lointaine conversation me fit prendre le guide et regarder la carte. J'étais à Nice, où j'avais cru fuir Paris, et je l'avais retrouvé sur la promenade des Anglais et autour de la place Masséna, plus affolé et plus affolant que sur les bords de la Seine. Je constatais que la petite ville vantée par Maupassant s'abritait dans l'anse d'un long promontoire, celui de Portofino. C'était une garantie contre le mistral. Que la marge de terre détachée, le long de la muraille escarpée de l'Apennin, se faisait à cet endroit un peu plus large. C'était une chance de belle promenade. Un astérisque accompagnait de sa recommandation discrète le nom de l'hôtel désigné dans le guide comme dirigé par la signora Balbi. C'était une probabilité d'un gîte passable. Ces trois raisons réunies, jointes à la nécessité du travail, suffirent pour que, dès le lendemain, je prisse place dans un des wagons du train qui, par Vintimille et Savone, gagne Gênes. Cette voie ferrée contourne tout le golfe à qui la vieille cité ligure donne son nom, à travers l'un des plus pittoresques paysages de mer et de montagne qui se puissent rêver. Point de fleuve, presque point de ruisseau. Cet Apennin, qui tombe à pic dans la Méditerranée, ne permet guère que des cours d'eau se forment sur l'escarpement de ses pentes rocheuses. Dans ce sol desséché, les pins se rabrougrissent en broussailles et ne dépassent pas de beaucoup les cistes, les lentisques, les myrtes, chétifs arbustes aromatiques, dont les âpres et maigres racines s'agrippent à même cet aride sol. Cette moutonneuse toison de maquis ferait la seule verdure de cet horizon rapproché si parfois une cassure ne s'approfondissait en un ravin où frissonne le feuillage d'argent des oliviers et si, à d'autres places, des gradins taillés par l'industrie des paysans à même la colline et garnis de terre végétale ne se paraient de citronniers et d'orangers, de figuiers et de châtaigniers. Les villages succèdent aux villages, étageant sur ces déclivités par où s'achèvent les derniers contreforts de la grande chaîne italienne, leurs hautes maisons peintes de couleurs tendres. Quelques clochers à jour les dominent. Des barques sont tirées sur la plage quand il y a une plage. Le plus souvent, la brute tombée de la falaise dans la mer supprime toute grève, et l'absence de voile dénonce alors la profondeur de ce golfe si dur aux pêcheurs. Presque tous quittent ces parages sans fond pour s'en aller là-bas en Corse, en Sardaigne, jeter leurs filets à coup sûr, tentés par cette lame dangereuse qui déferle, si douce, si bleue, contre les rochers gris des petites criques. Cette rivière de Gênes dévale de la sorte, aussi sauvage, aussi rude que l'autre, celle de notre Provence, est voluptueuse et molle. Mais quand on est là, comme je l'étais, des jardins trop soignés, trop pareils à des serres, qui entourent les palais cosmopolites de Nice et de Cannes, cette sauvagerie et cette rudesse ont leur attrait. Ce n'était pas ma première excursion sur cette route de la côte ligure. Jamais je n'en avais mieux senti la grâce originale et farouche. Et quand Gênes une fois passé, puis Nervi, au sortir du long tunnel qui troue l'épaisseur du cap de Portofino, j'aperçus vers les 4 heures de l'après-midi Rapallo, tapis au bord de sa baie, entre le promontoire et la montagne, parmi les citronniers de ses jardins, j'éprouvai une impression d'intime allégresse où il y avait de la détente nerveuse et de l'espérance. Mentalement, je dis merci au souvenir de Maupassant et je pensais « Oui, comme je serais bien là pour travailler ». Si l'hôtel a seulement ses fenêtres sur cet admirable cap. Il faisait mieux que donner sur cette noble ligne de promontoire cet hôtel que je redoutais un peu, sachant que le génie des architectes modernes a gâté les plus beaux sites. Il était situé dans un palais jadis construit par quelques patriciens de Gênes. Un blason de marbre se voyait encore appliqué sur les balustres du balcon du premier étage. Il dominait de ses quartiers héraldiques et de son bonnet d'ocale cette enseigne d'une simplicité rassurante. Albergo Balbi, Gia del Leone d'Oro. Un long jardin planté d'orangers et fleuri d'œillets s'étendait par devant, clos de murs, et je n'eus pas plus tôt causé dans le bureau avec l'actuel propriétaire de l'ancienne auberge du Lion d'Or que mon appréhension première acheva de se changer en la plus complète certitude d'un heureux séjour. J'appris presque tout de suite que la signora Balbi était une Française des environs de Lyon, venue en Ligurie très jeune à la suite de malheurs de famille. Il faut bien respecter les traditions. Et mariée par hasard à un négociant de Rapallo. Mais voici qui n'était pas une tradition. Restée veuve, avec une fille à élever, elle avait eu le courage et l'esprit de prendre la gérance de cet hôtel dont le maître venait de mourir. Depuis 10 ans qu'elle dirigeait la maison, elle était arrivée à y établir partout un aspect d'ordre minutieux qui contrastait singulièrement avec le laisser-aller des autres caravansérails prétentieux échelonnés sur la côte. Je l'entends encore me raconter son histoire en me montrant la chambre qu'elle m'avait choisie. Elle disait « Ce qui me contrarie, c'est que je ne vois presque jamais de compatriotes. Il vous faut faire connaître Rapallo en France, monsieur. Il vient des Anglais, des Allemands, il ne vient presque jamais de Français. Pourtant, je serais aux petits soins pour eux, entendons-nous, autant qu'il est possible avec des domestiques de ce pays. Ils sont si paresseux. En ce moment, nous avons ici une dame de Paris, une madame de la Charme. Vous ne la connaissez pas ? Ah, monsieur, vous verrez quelle femme distinguée, et comme il faut ! Elle me dit toujours, « Madame Balbi, je ne reviendrai jamais en Italie sans passer par Rapallo. Je ne me suis sentie chez moi nulle part comme ici. » La signora Balbi avait mis à prononcer les mots « distinguée » et « comme il faut » une conviction si respectueuse, un accent si entendu. C'était la vraie bourgeoise française, désireuse de rester dame dans n'importe quel métier et de ne pas vous laisser ignorer qu'elle est née pour un sort plus relevé. Cette petite personne de 40 ans, replète et comme tassée sur elle-même, avec un visage un peu plat, des yeux d'un bleu gris sur un teint reposé, des cheveux châtains séparés en 2 bandeaux lisses sur un front assez large, la bouche serrée et judicieuse, me représenta aussitôt le type achevé d'une de ces ménagères comme j'en ai tant connu en Auvergne, durant mon enfance. Une chaîne d'or très mince tournait autour de son cou et retenait une montre passée à même entre 2 des agrafes de son corsage trop tendu. Elle avait une robe de soie noire et de petites mitaines de couleur bise à ses mains. L'Italie n'avait pas plus mordu sur elle, malgré ses longues années de séjour, que si elle n'eût jamais quitté la province natale. Cela me suffit pour me dessiner en pensée une image analogue de cette madame de la Charme. Échouée dans cet hôtel paisible, quelque veuve de nouveau établie à Paris, mais continuant à y vivre comme dans sa province, elle aussi. J'ai encore tant connu ce type. Je la voyais échangeant des visites avec la padrona, régulièrement, longuement, cérémonieusement, comme si elles n'eussent pas habité sous le même toit, l'une en pension chez l'autre. Je devinais, d'après l'épigramme que Madame Balbi avait décochée au service italien, quel feu roulant de critiques mes 2 compatriotes dirigeaient contre la terre d'exil où elles se trouvaient reléguées, celle-ci par son métier, celle-là sans doute par sa santé. Égayé par ces 2 images, avec quelle joie je monologuais, je me le rappelle, et je disposais sur une table plus large que j'avais demandée à l'obligeante lyonnaise, la table de la sacro-sainte copie, mon papier, mon encrier, ma plume, et les 2 volumes qui ne me quittent guère, les mémoires de Goethe, un Marc Aurèle, un tome de Le Play, un de Balzac, un de Stendhal, un de Taine. Quelle chance, me disais-je à mi-voix, qu'il n'y ait qu'une de nos compatriotes ici, et que ce ne soit pas une donneuse de dîner à prétention littéraire. Ces choses arrivent cependant. Cette fois, je suis à l'abri. Je répétais tout haut, avec un délice inexprimable, ce mot magique, à l'abri. Et je m'hypnotisais à regarder le jour qui finissait de s'éteindre sur le golfe silencieux. À ma droite, la ligne naissante du cap de Portofino, haute, sombre et semée de villas claires, parmi les feuillages déjà fondus, se profilait sur un horizon couleur de safran avec des dégradations de nuances qui, du jaune tendre, passaient presque au vert. À ma gauche se développait cette magnifique courbe du rivage qui, par Chiavari, descend jusqu'à la pointe de Sestri Levante. Entre les 2, sous un ciel d'un bleu qui se fonçait jusqu'au noir, la mer s'étalait, calme, à peine onduleuse, avec des tons de nacre glacé. Il courait dans l'atmosphère juste assez de brise pour enfler les voiles d'une barque de pêcheurs que je voyais s'approcher du petit port en s'aidant des rames. 4 gros bateaux à l'ancre, à forme basse et renflée de felouques barbaresques, découpaient leurs agrès noirs dans cet air immobile. Plus près de moi, les citrons couleur d'or pâle et les oranges couleur d'or rouge brillaient dans les branches des arbustes du jardin. Et dans la ruelle voisine, je pouvais voir, tant cette fin d'après-midi de janvier était douce, des femmes de Rapallo qui travaillaient à leur dentelle, assises devant leur porte, et un vieux cordier tressait une corde. Le chanvre enroulé autour de sa taille et l'extrémité de la corde fixée à un poteau, il allait, à reculons, d'un pas lent, ses doigts agiles occupés à natter les fibres informes. Ce dernier détail, en me ravissant par son pittoresque, acheva de me jeter dans un état de rêverie philosophique dont je retrouve la trace sur la page de journal où j'ai consigné le détail de cette arrivée et qui se termine ainsi. Soyons comme le cordier qui fait sa corde à reculons, sans voir où il marche et sans voir non plus à quoi servira cette corde, ainsi travaillée. Pensez à George Sand, à sa guérison par la nature, la solitude et l'acceptation soumise de la tâche. 3. Hélas, le séjour à Rapallo, qui s'inaugurait sur cette résolution d'imiter, du moins dans son esprit de discipline, la vaillante ouvrière de Nohant, devait, comme tant d'autres, ne pas tenir les promesses de ce début. Cette fois, j'eus pour excuse à mon inconstance de volonté la force et l'inattendu de l'impression qui tout de suite me détourna de l'utile travail et de la bienfaisante copie, pour me jeter à cette curiosité de la vie réelle dont je suis encore la victime après tant de vagabondages, d'allées et de venues parmi les pays et les gens. Je sais si bien qu'à un certain âge, on a reçu des choses humaines, toute l'expérience que l'on est capable de manipuler, toute la matière qu'elles peuvent fournir à une énergie d'artiste. La moisson est faite, bonne ou mauvaise, il ne reste qu'à l'engranger. Et puis qu'une énigme sentimentale se dresse au détour du chemin sous la forme d'une femme aux prunelles émues, au joli sourire, et j'oublie d'écrire pour m'engager de nouveau sur ce chemin que Dumas vieillissant appelait, non sans mélancolie, la route de Thèbes. Cette route passe un peu partout, je le sais trop aussi. Mais comment deviner qu'un de ces carrefours devait être pour moi la salle à manger de cet hôtel perdu d'Italie où je descendis le soir de mon arrivée, obéissant docilement à l'appel de la cloche réglementaire. Et je ne me doutais guère que je rencontrerais l'éternel sphinx à l'une des tables de ce modeste réfectoire, à 3 francs par tête sans levain. Modeste, certes, bien modeste. Mais cet industrieux esprit de finesse, si naturel aux Françaises de race autochtone, et qu'annonçaient les yeux futés de la signora Balbi, s'y reconnaissait à 20 menus signes d'une installation soignée. Le linge était d'une irréprochable blancheur. L'argenterie étincelait. De petits festonnages de papier colorié paraient les corbeilles d'orange. Toutes les carafes et toutes les bouteilles avaient des dessous de verre. Et la table d'hôte, celle où les voyageurs mangeaient en commun, était visiblement réduite à son minimum d'espace afin de permettre la multiplication des petites tables séparées. Ces dernières encadraient toutes entre leurs 4 pieds un morceau de tapis dont la bordure noire, ourlée à l'aiguille, se détachait sur la pierre blanche du carrelage. Comme ce restaurant d'hôtel avait été jadis la salle de réception de la villa, le plafond était garni d'une vaste fresque à ornements stuqués que la sécheresse du climat n'avait pas trop dégradée. Le tout donnait à un endroit ailleurs si banal une jolie physionomie d'intimité qu'augmentait la gaieté d'un feu de bois dans une large cheminée, qui mêlait sa flamme à celle du gaz allumé dans des lampes en cuivre, reluisantes, elles aussi, de propreté. « Vous voyez, » me dit avec orgueil Madame Balbi, qui attendait ses hôtes pour présider elle-même à la table commune. « J'ai du feu ici, comme en France. Ah, monsieur, si vous saviez ce que j'ai eu de peine à leur faire construire une cheminée où l'on voit le bois, pourtant, chez nous, tous les fumistes viennent d'Italie. Enfin, avec de la patience. Voici votre table, monsieur, que je vous ai réservée comme vous le désirez. Tenez, voilà celle de Madame de la Charme à côté, et puis là-bas, celle du major général Gobet, un Anglais qui est avec sa fille. C'est la 3e année qu'ils reviennent. Nous n'avons ici, je vous le répète, que de la bonne société. C'est une grande consolation pour moi quand j'ai ma demoiselle aux vacances. Mais on arrive, il faut que je vous quitte. Vous permettez, Umberto s'occupera de vous. J'étais descendu un peu trop tôt, ayant quitté ma chambre au premier coup de cloche, sans savoir que l'on en sonnait un second. Je m'assis en me réjouissant de cette avance qui me permettrait d'observer à mon aise les compagnons de hasard parmi lesquels j'allais vivre quelques jours, quelques semaines peut-être, et d'abord cet Umberto, ce factotum de la respectable veuve. C'était un de ces Italiens au visage subtil, avec des traits dessinés finement, en qui la diplomatie semble un don inné. Petit et presque frêle, mais agilement découplé, il montrait sans cesse, en souriant, de belles dents blanches, dont il était très fier. Des yeux noirs, brillants, un teint mat, une voix douce, lui donnaient une allure de joli homme à laquelle la patronne ne paraissait pas insensible. Cette Anne d'Autriche de table d'hôte avait-elle pour ce Mazarin d'office de secrètes complaisances? S'il en était ainsi, le prudent Umberto ne l'a jamais laissé deviner. J'incline à croire qu'il n'en était pas ainsi et que ce garçon, de 10 ans plus jeune que la veuve, avait pour politique d'amener sa sensible patronne au mariage. Y est-il arrivé depuis? Quelques jours, je ne manquerai pas de m'arrêter à Rapallo pour savoir l'issue de cette campagne matrimoniale qui consistait pour l'heure en un zèle empressé auprès des visiteurs auxquels la signora Balbi paraissait tenir. Que de mal il se donnait, toujours souple, toujours souriant, pour apporter des assiettes chaudes, à point, du café qui n'eût pas trop bouilli, des oranges choisies et qu'il put recommander comme mûres en les montrant de son doigt, où brillaient 2 grosses bagues en doublé avec d'énormes pierres en strass. Une autre de ces élégances consistait dans une épingle assortie à ses bagues. Il la fichait dans une cravate à nœuds droits, et comme il était en deuil de son père, son faux col et ses manchettes s'achevaient par un large bord noir appliqué sur le blanc du linge, qui prenait ainsi un aspect comiquement macabre. « Monsieur, me disait-il, en me présentant la liste des vins et en me recommandant le Montepulciano avec le plus caressant aisément, vous verrez que la cuisine est très bonne ici. Vous aurez ce soir une soupe à la pavaise, du poisson qui était vivant il y a 1 heure. C'est moi qui l'ai pris aux pêcheurs. Un rôti d'agneau et pour vous des grives. C'est moi qui les ai chassées hier. On m'appelle Tangen. C'est un mot génois pour dire lest. Vous m'excuserez, il faut que j'aille regarder à tout le monde. » Les convives commençaient en effet d'entrer les uns après les autres, et Madame Balbi, debout devant sa chaise, au bout de la table, les accueillait d'un geste à la fois engageant et cérémonieux. Il y avait là une 15aine d'hommes et de femmes, appartenant tous et toutes à la race anglaise ou germanique. Presque tous et toutes étaient aussi des gens âgés ou malades, aux gestes mesurés, à la voix volontiers abaissée, enfin un vrai clan d'honnêtes et discrètes personnes. Comme on disait dans les anciennes épitaphes, de quoi justifier les prétentions de la patronne à tenir une maison sans aucun rapport avec les autres hôtels des 2 rivières, celle du Ponant et celle du Levant. Je regardais ces commensaux avec une curiosité déjà passionnée. Je croyais pressentir, tant l'endroit était singulier, du roman partout, derrière chaque physionomie, depuis celle de cette digne matrone en grand deuil, à qui la Balbi faisait les honneurs de sa droite, jusqu'à celle de cet Allemand de 35 ans, dont les yeux bleus si futés sous leurs lunettes d'or semblaient quêter parmi ces figures féminines une infortune à consoler et une dot à enlever. Et déjà mon imagination commençait de vagabonder autour des uns et des autres, quand le coup de foudre de la surprise la plus terrassante déconcerta soudain mes idées au point de me faire rester 1 minute immobile, médusée par le couple qui venait d'entrer dans la salle à manger et qui s'arrêtait devant la table réservée officiellement à Madame de la Charme. Le cavalier était un jeune garçon de 19 ans environ, très fin de tournure et de visage, et que je n'avais jamais rencontré. Mais dans la femme qui l'accompagnait et qui prenait place en face de lui, dans cette soi-disant Madame de la Charme, célébrée par la Balbi avec une si complaisante déférence, je venais de reconnaître une des princesses du demi-monde parisien, une des plus élégantes parmi les grandes impures de l'époque, avec laquelle j'avais jadis dîné ou soupé 4 ou 5 fois du vivant d'un de nos plus vieux amis, François Vernante. Il s'intéressait à elle par une espèce d'amitié attendrie et de pitié admirative. Il a laissé dans son journal intime un récit ému de leur première relation, voire un scrupule. Madame de la Charme n'était rien moins que la toujours jolie, la toujours jeune Blanche de Saint-Signe. Ai-je besoin d'ajouter que cette charmante femme n'a pas plus de droit à l'un des 2 titres qu'à l'autre, et que les La Charme et les Saint-Signe n'ont jamais figuré que sur le Gotha de Cythère. Elle s'appelle, sur les registres de l'état civil d'Ingrande, son pays, tout bonnement Blanche Ragot. 4. Oui, c'était bien Madame de Saint-Signe, alias Tendresse et Maline, encore un de ces noms, inventé celui-là par sa spirituelle rivale, Gladys Hervey, à cause de la câlinerie de ses manières et des folles dépenses de ses toilettes intimes. Quoique 12 années eussent passé sur elle et sur moi, depuis que nous nous étions vus, 12 de ces années de Paris, qui comptent double pour les femmes de plaisir et triple pour les ouvriers de littérature, je devinais à l'éclair de ses yeux bruns, quand ils rencontrèrent les miens, qu'elle m'avait reconnue, comme je l'avais moi-même reconnue. J'eusse trouvé si naturel qu'ayant eu avec moi des relations si courtes et si anciennes, nous nous étions à peine vus depuis la mort de François Vernante, elle m'eût absolument oublié. Il n'était pas moins naturel que, retirée sous un faux nom dans cet hôtel de mœurs bourgeoises, elle ne se soucia pas de m'autoriser à la saluer. Le fait est que sa jolie tête ne s'inclina même pas de cet imperceptible mouvement où une femme sait empreindre tant de choses, depuis une invite à lui parler jusqu'à une défense de l'approcher. Visiblement, elle voulait garder un absolu incognito. La présence du charmant jeune homme, assis en face d'elle, m'en donnait un trop excusable motif. Je ne doutais pas un instant que la capricieuse et folle fille ne fût simplement en bonne fortune avec quelque amoureux qu'elle cachait à son protecteur sérieux. Il me sembla pourtant qu'au moment où nos yeux s'étaient croisés, elle avait eu dans les siens une expression singulière. Ils auraient dû, n'est-ce pas, traduire malgré tout dans leur volontaire silence la spirituelle malice d'une galante escapade. J'y avais nettement distingué au contraire une angoisse, une terreur, et pour un peu une supplication. Il me suffit d'observer la pauvre femme durant la petite heure que dura ce dîner d'hôtel pour me convaincre que je ne m'étais pas trompée. De se retrouver face à face avec un témoin de son existence parisienne la jetait dans un trouble extraordinaire. Je pouvais mesurer son énervement à l'agitation de ses belles mains dont elle avait retiré ses rubis, fameux dans le monde galant, qui lui venaient d'un des frères Mosé. De ses doigts souples, elle déchiquetait un morceau de pain placé sur la nappe à côté d'elle et dont plus rien ne resta bientôt qu'un amas de miettes. Deux ronds de pourpre enfiévraient ses joues. À de certaines minutes, ses paupières se baissaient sur ses prunelles anxieuses comme si elle eût voulu en rafraîchir la brûlure. Elle était vraiment divine ainsi, en proie à une émotion que j'expliquais maintenant par une nouvelle hypothèse. J'avais attribué d'abord son incognito à la nécessité de se cacher du protecteur sérieux, quel qu'il fût, celui que ces dames appellent gaiement leur « combinaison financière ». Peut-être cachait-elle la véritable identité de « tendresse et maligne » à quelqu'un d'autre, à cet enfant, par exemple, dont j'étudiais dans une glace le profil perdu. Quoiqu'elle conservât une physionomie ravissante de fraîcheur et de finesse, Madame de Saint-Signe devait bien avoir en tout près de 40 ans, si pas plus. Mais oui, le temps passe vite. C'est d'hier qu'elle venait dîner avec François Vernante et moi, me semble-t-il. Mais cet hiver remontait à 1883, et à cette date, elle avait certes 25 ans. Aujourd'hui, elle se trouvait donc à la période climatérique où les êtres passionnés courent le plus grand risque de s'éprendre pour toujours. Ils savent que les saisons leur sont comptées. Ils savent qu'ils n'ont plus qu'une réserve de cœur et quelle tentation de la jouer sur la dangereuse carte du dernier amour. Trop souvent, la nostalgie poignante de la jeunesse les amène à choisir, pour l'objet de cet amour suprême, quelqu'un qui n'est pas de leur âge. N'était-ce pas le cas pour la fausse Madame de la Charme ? Je n'eus pas plus tôt entrevu cette explication de son anonymat que je la jugeais irréfutable. Un nouveau roman se dessina devant mon imagination que j'admis comme réel, sans plus de contrôle. Celui de la courtisane amoureuse qui veut à tout prix que son amant nouveau ne soupçonne pas son passé. S'il en était ainsi, que le trouble de la pauvre fille était naturel et touchant. Elle, la Blanche de Saint-Signe de toutes les audaces et de toutes les élégances, la tendresse et maligne qui avait mangé en 2 ans 5 millions à ce grippe-sou de Mosé. La belle petite, dont les dessous représentaient un budget de reine, qui avait eu une écurie de course, un yacht, un hôtel tenu à l'anglaise, avec des valets de pied poudrés, des bijoux de quoi garnir la vitrine d'un des joailliers de la rue de la Paix. Sa volupté, Madame de Saint-Signe, enfin, comme disait mon autre défunt ami, Claude Larcher, était là, dans une modeste robe de pensionnaire, sans femme de chambre, évidemment, occupée à quoi ? À jouer aux yeux extasiés de cet adolescent la comédie de l'innocence. Une comédie, hélas, toujours à la veille de tourner en tragédie. Je continuai de la regarder à la dérobée, et le jeu des lumières si révélateur des moindres méplats du visage me fit distinguer dans son masque, demeuré idéal de ligne, les premiers coups de pouce du temps. Un tout léger commencement de flétrissure mâchurait le tour de ses paupières. Une ride allait se creuser au coin de sa bouche. Les tempes attendries allaient se griffer. Deux grands plis allaient rayer son cou délicat. L'ensemble demeurait exquis de mutineries voluptueuses. Mais quelle était fragile, cette fleur, trop épanouie et quasi miraculeuse par sa conservation, d'une grâce que j'avais connue triomphante. Et j'étudiai de nouveau dans la glace celui que je considérais comme son jeune amant. Quelle était intacte, au contraire, la fleur de son adolescence à lui. Il serait un jeune amoureux encore, quand elle serait, elle, cette navrante chose, une vieille amoureuse. Un petit détail achevait de me rendre plus précise la différence de leurs âges. Ils avaient l'un et l'autre la même nuance de cheveux, châtain clair avec des reflets blonds, la même couleur des prunelles, d'un brun très doux, et toutes sortes de mystérieuses analogies dans les gestes, une certaine façon de cligner des paupières, par exemple, en avançant la tête. J'ai tant vu d'amants arriver à se ressembler que, sur le moment, je ne pensais pas à m'étonner d'une identité qui eût dû m'être une révélation. J'étais tout à ma romanesque hypothèse, et elle m'empêchait de voir une vérité qui, à la lettre, et pour employer une métaphore aussi brutale qu'expressive, crevait les yeux. Mais bien d'autres indices crevaient les yeux, que je retrouve aujourd'hui par un étrange pouvoir d'observation rétrospective. C'est le seul dont la nature m'est douée. Il est presque ironique d'inefficacité. Je me rends compte, par exemple, que le couple placé à la table voisine de la mienne n'était pas moins intéressé que moi par la prétendue Madame de la Charme et par son compagnon. Ce couple se composait du major général anglais dont m'avait parlé Madame Balbi et de sa fille. Lui, un rude et long chef de mercenaires, âgé de 55 ans, sorte de géant très maigre, avec des os énormes, un teint brûlé par les Indes, par l'alcool, par l'océan. Des cheveux roux en train de passer au blanc dans le verdâtre, et des yeux glauques, d'une énergie, d'une loyauté admirable, de vrais yeux de soldats, sans peur et sans reproche. Elle, une de ces grandes girls, trop tôt poussées, dont on ne sait à 16 ans si elles deviendront athlétiques ou poitrinaires, tant les signes de force se mélangent en elles aux signes de faiblesse. Miss Cobbett avait la peau trop blanche et trop rose, un trop évident frémissement de son être nerveux. Elle était trop haute de taille, avec des épaules trop minces pour son âge. Mais quelle vitalité dans l'opulente toison de ses cheveux fauves, tordus sur sa nuque en un chignon énorme! Quelle délicatesse dans ses traits! Quelle grâce fière à chacun de ses gestes! Si j'avais observé, au lieu d'imaginer, c'est mon éternelle faute, j'aurais constaté qu'elle enveloppait le jeune ami de Madame de Saint-Signe d'une attention passionnée, et que, de son côté, le général ne perdait pas de vue un des mouvements de la dite blanche. À distance, ces deux figures se détachent pour moi sur la muraille peinte de la salle à manger avec des rehauts inoubliables, le père en smoking et en cravate blanche, la fille dans une de ces robes hardies comme les Anglaises en osent seules, en crépon de soie des Indes dont le vert d'eau claire avivait encore l'éclat de son teint et de ses cheveux. L'hallucination rétrospective me montre aussi les divers convives des autres petites tables et ceux de la grande que présidait la Balbi. Quoique sur place, je n'y eusse pas prêté plus d'attention qu'au vin de Montepulciano versé soigneusement par Umberto. « N'est-il pas vrai, monsieur ?» me demandait l'insinuant italien. « Que ce vin a un goût de fleur ?»« Un goût de fleur ?» répétai-je machinalement. « Je ne m'en suis pas aperçu. » « Mais c'est que vous n'avez bu que de l'eau !» me fit remarquer le complaisant maître d'hôtel qui ajouta son « che peccato » le plus sympathique à l'égard d'une distraction qu'il considérait déjà comme incurable. Car il négligea, jusqu'à la fin du dîner, de me célébrer l'excellence des différents plats qu'il me servit. De fait, quand je me levai de table avec les autres convives, j'aurais été fort embarrassé de seulement redire un seul des numéros du menu. Ma curiosité s'était trouvée trop profondément excitée, ce qui prouve, entre parenthèses, qu'après tous mes efforts pour me transformer en un cosmopolite indifférent, je continue à demeurer un provincial de Paris, le prisonnier de ce très petit coin du monde qui va de l'Arc de Triomphe au Théâtre des Variétés. C'était tout ce Paris viveur, et dont je suis pourtant si las, qui me reprenait aussitôt à cause de cette simple rencontre. Chaque fois que je constate de la sorte mon impuissance à rompre en esprit avec cette ville, ensorceleuse et meurtrière comme la Circé de la légende antique, ma mauvaise humeur est grande. Je crois bien que cette impression de mécontentement intime dominait les autres lorsque, rendu à moi-même, je m'échappais de la salle à manger puis du vestibule de l'hôtel pour me promener seul au bord de la mer. Il faisait une de ces merveilleuses nuits de l'hiver méridional où l'atmosphère semble transparente dans le sombre, même sans clair de lune. Les étoiles y brillaient si larges, si pleines, qu'elles éclairaient tout le paysage d'une lueur de féerie. Le ciel étalait au-dessus du cap un dais de velours bleu et une phosphorescence s'échappait des lames de la mer, toute lourde, toute noire, dont la palpitation mourait sur la grève. Les lumières éparses dans les maisons de Rapallo et aux fenêtres des villas de la côte achevaient de donner à ce tableau nocturne le caractère mystérieux que la présence de l'homme, invisible à la fois et révélée, ajoute à la nature. Deux falots de barques tremblaient sur l'immense masse obscure et mouvante de la Méditerranée. La taciturne et solennelle beauté de ce spectacle me saisit profondément. Pas assez pour que j'oubliasse pourtant et la pseudo-madame de la charme et le jeune homme qui lui faisait vis-à-vis. L'antithèse était trop forte entre la poésie frelatée de l'aventure clandestine et sentimentale que je croyais avoir surprise et la puissante, la saine poésie de ce ciel étoilé, de cette mer murmurante, de cette côte endormie. Assis sur un des rochers contre lesquels s'adosse l'estacade de bois qui ferme le petit port, j'eus un véritable accès de remords devant mon éternelle impuissance à me simplifier l'âme. Je m'en voulais à moi-même de ne pas être uniquement, totalement, le passant de cette heure et de cet endroit. J'en voulais à Madame de Saint-Signe surtout. Aujourd'hui, ma révolte d'un instant s'est changée en gratitude. N'est-ce pas elle qui m'a rendu inoubliable, et cette nuit, et cette plage, en me révélant le secret presque tragique d'un tête-à-tête que j'avais jugé si vulgaire ?